Chapitre 1 de la sixième partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 1. Il est 10 heures du soir environ. La pluie tombe à torrents. Des éclairs blafards déchirent le manteau des astres. Les roulements du tonnerre remplissent l'espace de sons sourds et caverneux, et le Saint-Laurent, mêlant sa voix à celle de la tempête, déferle bruyamment ses lames moutonneuses contre les jetées du rivage. Les quais de Montréal sont déserts. Les nombreuses tavernes de la rue des Commissaires et de la rue de la Commune, closes pour la plupart. Seuls quelques rares fanaux, élevés sur la grève, guident la marche des navires attardés. La nuit est plus noire que l'aile du corbeau, plus affreuse qu'une légende allemande. Vous entendez le craquement des vaisseaux, qui s'entrechoquent, le grincement de leurs chaînes, le sifflement des rafales dans leurs agrès, et, par-dessus tout, le grondement rauque et formidable des éléments en furie. Batelier, prends garde à ton esquif. Passant, prends garde à ta bourse. Ami, hâtez-vous de rentrer au logis, car la ruine, la désolation, la mort planent de toute leur envergure sur la ville de Montréal. Voyez, de l'ouragan c'est le cours furieux. Terrible, il prend son vol, et dans des flots de poudre, part, conduisant la nuit, la tempête et la foudre. Fin du chapitre 1 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en mars 2011.